Sur les bords du Jourdain, les gens venaient de loin laisser leurs idées tristes aux pieds de Jean-Baptiste. Allez abandonner jusqu'à vos vieilles peaux. Venez recommencer, rejoignez-moi dans l'eau. Je vous baptise au nom du Père, le Créateur de l'univers. Préparez ses chemins, croyez en l'avenir. Je vous baptise au nom du Père. Après la nuit vient la lumière. Aujourd'hui pour demain, le monde est à bâtir. J'en connaissais Jésus depuis sa tendre enfance. Malgré la foule immense, ils se sont reconnus. Jésus s'est approché en toute humilité et lui a demandé: veux-tu me baptiser? Je te baptise au nom du Père. Ton cœur rayonne de sa lumière. Toi qui es juste et bon, toi l'amour et la paix. Je te baptise au nom du Père. Toi notre vie, toi notre frère. Et les hommes te suivront toujours et à jamais. Comme un bel oiseau blanc, comme un souffle de vent, la voix de l'Éternel nous dit à travers ciel: cet homme est mon enfant, venu chez les vivants, pour dire à cette terre que je suis votre Père. Toi Jésus-Christ, le Fils du Père, ton cœur rayonne de sa lumière. Toi qui es juste et bon, toi l'amour et la paix. Jésus-Christ, le Fils du Père, toi notre vie, toi notre frère. Les hommes te suivront toujours et à jamais.